L'étoile, de contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. L'étoile, à Jules Sandeau. Deux amis étaient là, l'un jeune, aventureux, comme un nouvel amant de la vieille nature. L'autre semblait porter une raison plus mûre, écrite sur son front comme dans ses cheveux. Ils regardaient tous deux ces montagnes immenses qu'un lointain horizon marque d'un trait plus né et qui semblent grandir en raison des distances. Le jour dans un ciel pur, doucement décliné, il semblait réunir ses forces épuisées. Dans un dernier regard limpide et lumineux, et le mont blanc brillait de ses teintes rosées, que le soleil couchant donne au sommet neigeux. Devant ces tons choisis et ces lignes sereines, nos amis demeuraient immobiles, muets, comme s'ils avaient craint, spectateurs inquiets, de perdre leurs pensées en des paroles vaines. Le silence convient à l'admiration, et c'est mal respecter les œuvres souveraines que de leur imposer notre approbation. Le plus jeune, pourtant, dans son impatience, de ce trop long respect paraissait se lasser. Il était à cet âge où l'on dit ce qu'on pense, sans avoir bien appris ce que l'on doit penser. Oh, qui m'expliquera ces mystères sublimes, cet espace où nul pied humain n'a pu, surmontant les abîmes, se frayer encore un chemin. Et ces glaciers mouvants, ces glaciers dont les fentes se colorent d'un bleu vermeil, et ces neiges indifférentes aux baisers ardents du soleil. Voilà l'insoluble problème, le miracle éternel, le chef-d'œuvre divin, que l'austère nature impose à l'homme vain, pour qu'il monte vers elle ou qu'il rentre en lui-même. « Non, dit son compagnon, vous vous trompez, ami. Un grain de sable est gros aux yeux d'une fourmi. Notre raison est faible et notre vue est brève. Jetez les yeux plus haut, à l'horizon bruni. L'étoile du berger se lève. C'est là qu'est l'inconnu, l'immense, l'infini. » Fin de l'étoile. Enregistré par Margot.